Ouais, Amutu, et on a jambi toi. Mona, mon goma bolon de moi, on est miango meti anjiba. Gelininga na kwa la neno wa, nana bo wa wa. Not so-